notre âge, on contient notre âge, au bord du naufrage, la pluie sous l'orage, printemps, été, automne, hiver, positif aux têtes à l'hiver, négatif à l'antidopage, j'fais des petits blocages. C'est qui se propage, j'suis beaucoup trop high dans le ciel. J'ai des problèmes de pilotage, j'sors des marécages. J'suis comme Mbappé, j'vise les cages. Comme Mbappé, j'veux plus de cash. Comptez des liasses de 10 étages. J'écris mon histoire, j'tourne les pages. J'suis avec une meuf pas très sage. J'suis avec une meuf pas très sage. Des gouttes d'amour sur son visage. Regarde-moi quand j'te fuck. Y'a qu'à ce moment que j'me défoque. Tout pour la famille et les potes. On est hâle pour marquer l'époque. Tu sais, un autre âge, j'ai pas un autre âge. J'aime le cœur en rage, j'aime ce ciel orage. Hiver, printemps, été, automne, pour moi le ciel est monotone. J'entends toujours le ciel qui tonne, la même mélodie qui résonne. J'dors pas, j'rêve de somme, j'dors pas, j'ai trop de sel. Et c'est mon sel qui gâche mon sable. J'dors pas, j'compte les sommes, sur les doigts de main, moi j'compte les vrais. J'ai creusé plein de buts dans mon parcours, yeah. Des obstacles, des carrefours, j'franchis la vie comme j'monte les vrais. J'oublie pas qu'y'en a qui ruminent, dans des conditions inhumaines. J'fais les 100 pas toute la semaine. J'attends que le ciel s'illumine. JOS, enlève ton cérumen. JOS, trouve dans ton hymen. JOS, quand je joue, faut que je mène. Je suis ce genre de spécimen. Toujours capuché quand je me promène. Tuniqué, tuniqué dans le domaine. Tous les jours, sur le cash, on se démène. On verra bien où tout ça nous mène. Dans mon cœur, y'a l'Afrique. Tout au fond de mon cœur, y'a le tiers-monde. Tout au fond de mon cœur, y'a le Yémen. Mon cœur se déchire quand le ciel déchaîne. Tu sais, un autre âge. On compte un autre âge. Même au bord du naufrage. Sous la pluie, sous l'orage. Autant hiver, printemps, été. J'en bats les couilles d'être entêté. Darons pour moi sont endettés. Voilà pourquoi je suis entêté. Entêté à faire du cash. Entêté à faire d'oseille. J'en bats les couilles de tes conseils. Je m'en bats les couilles donc tu payes. Je me suis bien approché de mes rêves. Je voulais pas m'approcher autant. Chercher le bonheur dans ce monde de merde. C'est un peu comme s'accrocher au vent. Ouais, tu sais à notre âge. Tu sais à notre âge. Ouais, on contient notre âge. Même au bord du naufrage. Sous la pluie, sous l'eau. Été, automne, hiver, printemps. Pour moi ce monde n'a plus rien de tympan. Les étoiles n'ont plus rien de tinquant. Tu sais, un autre âge. Un autre âge. On contient notre âge. Même le cœur en rage. Même le ciel orage. On contient notre âge. Oh, oh, oh.